Je vais le laisser. Nous allons laisser la place à des artistes, enfin. Mais peut-être, si vous êtes d'accord de vous prêter au jeu avec nous avant de partir, on va écouter le son mystère tout de suite. Avec plaisir. Hein. Et peut-être que le temps que les milliers d'auditoristes nous appellent pour nous dire leur avis sur la question, vous pourrez vous aussi... Si c'est aussi dur que l'année passée, bon courage. Hein. Et donc là, c'est une proposition de Caroline Profanteur. Alors, je ne sais pas si... Il y a plein de sons là-dedans. Oui, c'est ça, c'est beaucoup de sons. Hein. Mais alors, donc, c'est un contexte qu'il faut trouver. C'est un contexte. C'est ça, oui, je crois que c'est un contexte qu'il faut trouver. Oui. Bon, ceci dit, je n'ai pas la réponse non plus, hein, mais, mais c'est ce que je suppose, hein, je ne sais pas. Donc, autour de la table, on a Léo Collin qui nous a rejoint, Denis Schuller, Marie Janson et maintenant Jérémy Chevalier qui vient d'arriver. Est-ce que... Émilie Roger aussi, qui Émilie est par là. Roger, qui il y a vraiment tout le monde. Et qui a peut-être aussi entendu le son mystère. Est-ce que... Ah non, elle n'a pas entendu le son mystère. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y avait une alarme de scooter, un truc comme ça, dans l'histoire. Mais ah, bon. C'est marrant. C'est une question de point de vue. C'est un petit son, en fait. Toi, tu sais la réponse, ça. Oui, j'ai écouté l'explication. C'est un petit son. En tout cas, si vous nous écoutez et que vous avez une idée, c'est le moment pour appeler au 078 244 57 54. Vous pourrez gagner une place de concert pour ce soir. Peut-être que Marie ou Denis pourraient nous dire un petit mot sur le concert de ce soir. Peut-être que ça va faire envie aux auditoristes d'appeler tout de suite. Ce soir, on a un premier concert à la salle de jeu par Oh là là, attendez, il faut que je regarde mon programme. Voilà. Après, à 18h, on a le Field Drum Monument. On est encore dans la démesure. Là. Il y a 20 caisses claires qui vont jouer en même temps avec des stylos feutres. Enfin, comment dire, ce n'est pas les caisses claires qui vont jouer, évidemment. Et dont, d'ailleurs, notre équipe sera de l'équipe. Hein, on a deux percussionnistes dans l'équipe de base d'Archipel avec Denis Schuller et Kaisa Pousset qui vont participer. Ça, c'est magnifique. C'est une pièce de Mio Charteau. 20 caisses claires disséminées dans l'espace. Et on s'enchaîne avec le concert Living Object. Enfin, l'ensemble de concerts Living Object. C'est donc trois concerts de suite avec uniquement des objets, des petits mécanismes, des installations de choses mises en action par réaction en chaîne, par activation. Et là, c'est donc d'abord Maria Komarova. Ensuite, sera le duo Rie Nakajima et Pierre Berthet. Et enfin, dans la grande salle, à la fin, Ryo Akama et Anne F. Jacques. Les deux premiers concerts de Living Object se trouvent dans les escaliers, dans des espaces étranges, au milieu de tout et de rien, dans cette maison communale. Et bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu d'appel pour le moment. Personne. Bon, je peux en profiter pour encore dire que j'oubliais, à 22h30, le premier concert des conversations acousmatiques avec Henning Christiansen, un compositeur qui a beaucoup écrit pour le théâtre dans les années 70. Ça, c'est une curiosité absolue. C'est magnifique, j'adore. Et en première partie, on a décidé de faire dans l'autre sens. On a un appel. Nonobstant, qui malheureusement ne sera pas présent. Mais qu'on va écouter. Allô, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est ça. Vous m'entendez ? Allô, allô. Ah non, on ne m'entend pas. On n'entend pas. Alors, très bien. Attends. Instant, le bricolage n'a pas fonctionné vraiment. Allô, allô ? Vous entendez ? Allô ? Allô, allô ? Vous m'entendez ? Allô, allô ? Ah mince, ça marche vraiment pas du tout. Ça marchait hier évidemment, mais... On peut tout débrancher. On va tout tout débranché, tout à fait, exactement, c'est une idée. Et hop. Je suis collée au micro. Voilà, je vais mettre le micro près du... Enfin, le téléphone près du micro. Allô, allô ? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Asso Radio ? Oui, c'est ça. Ah, bonjour, c'est Marc de Bruxelles qui appelle pour le son mystère. Oui. Alors... tout d'abord, vous êtes ma radio préférée et je vous écoute tous les jours. Hein. Ah, ça fait plaisir. Alors, moi, le son mystère, c'est un petit oiseau de maison qui s'est enfermé dans le four de la cuisine. Waouh. J'ai pas compris. Et je crois qu'il appelle à l'aide. Il appelle à l'aide. C'est un petit oiseau qui s'est retrouvé dans un four, dans la maison, qui appelle à l'aide. Alors là... J'ai gagné. Oui, je crois que... Je crois que vous avez gagné. Bravo. Alors, on va écouter l'explication de Caroline Profanteur, qui est vraiment très proche. Je vais l'écouter à la radio. Oui, d'accord. À tout de suite. Qu'est-ce que c'est ce son mystérieux? Alors, en fait, c'était un son que j'ai enregistré avec mon iPhone dans la cuisine. Et il s'est produit tout d'un coup. Et ça vient du four au gaz. Et pendant que j'ai fait mon café... Et tout d'un coup, les gaz, ça produisait ce son qui se ressemble un peu en même temps à un oiseau et aussi à une sirène. Et je trouve que c'est assez fascinant. Donc voilà, c'était quand même très bien trouvé, même si ce n'est pas vraiment un oiseau, mais effectivement, elle le mentionne. Donc bravo, notre premier appel, notre premier gagnant, je trouve ça bravo, c'est super. Et à ce soir, donc, oui. Puisque vous avez gagné. Et maintenant, on retrouve tout de suite Jérémy.